pris dans une tempête de neige sur la Manche, les comprachicos, avant de mourir noyés, inscrivent leur nom et signent au bas d'un parchemin où l'un d'entre eux a déjà écrit quelques lignes pour avouer les crimes dont ils sont coupables. Mis dans une gourde et bouché avec du goudron, le parchemin est ainsi confié à la mer.